بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. طيب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أنه مر على سبرة الطعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصبته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira, ou selon Abu Huraira par l'imam muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa devant un étalage de nourriture. D'accord ? Il y rentra sa main. Il ressentit de l'humidité à l'intérieur de la nourriture. Et il dit au vendeur: qu'est-ce que cela ? Il lui dit que ma nourriture a été bougée par la pluie. Il dit: pourquoi n'as-tu pas mis cette partie mouillée au-dessus afin que les gens les voient? Il dit: celui qui nous escroque ne fait pas partie dedans. Hada wa shahid min hadith. Man rashana falaysa minna. D'accord. Et là, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde par rapport à un acte considéré comme étant une tromperie en ce qui touche la dunya, le commerce, les mu'amalat bayna an-nas. D'accord ? On appelle ça le riche, l'escroquerie, la tromperie, la duperie. Riche, c'est le masdar de rasha yarush. Et le riche, c'est le axe de la nasiha, c'est le contraire du conseil. Même le conseil. Le nasiha, conseil, en ce qui touche entre les ibad baynahum, serviteurs. Donc celui qui t'a trompé ne t'a pas conseillé, au contraire. Il t'a trompé, comme on dit. Donc là, ce hadith est venu en ce qui touche au mu'amalat dunyawiyya, c'est-à-dire les transactions mondaines, en ce moment. Donc qu'en est-il, miner riche et digne, dans la tromperie en religion? Tromper les gens en religion au nom de la religion. C'est-à-dire que tu viens en apparaissant comme vouloir conseiller la personne dans sa religion, tu te sers de sa religion pour l'égarer dans sa religion. Et mamana lisa minna ay laysa ala tariqatina. Ne fait pas partie de nous, c'est-à-dire n'est pas sur notre voie. N'est pas sur notre voie. N'est pas sur notre enseignement. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc de là, j'aimerais faire quelques commentaires suite à des paroles qui me sont parvenues d'un individu se nommant Mohamed Jalfil ou Jalfil, je ne sais pas comment les harakat en arabe, je ne connais pas, en français disent Jalafil, ce que j'ai lu, Jalafil, on dira en prononçant la française. Quelques audios, c'est court, qui me sont venus avec des paroles ahurissantes. Ce genre d'individu, à la base, on ne prête même pas attention. Mais il a évoqué certains points, par crainte que certaines personnes ne tombent dans son riche, dans sa tromperie. J'aimerais, Inch'Allah, y faire quelques annotations. Même nier à la kitab wa sunnah. C'est-à-dire sur le livre la sunnah avec les preuves. Descendre de clair. Mais pour démontrer que cet homme-là tient des propos d'égarement. Donc, Tayyib. Parmi les paroles qui me sont parvenues, il parle sur le Yémen. En fait, les audios que j'ai eus, c'est des audios, des extraits que j'ai eus. Je ne sais pas ce qu'il a dit avant ni après. On m'a envoyé comme ça, le shahid de sa parole. Est-ce que c'est une question qu'on lui a posée ou ce genre de choses? Mais c'est la sympathie qui parle à quelqu'un qui veut partir au Yémen. Ou qui parle de quelqu'un qui veut partir au Yémen. Donc de là, il dit des paroles assez graves comme: l'islam m'a appris à être actif dans la vie. Et toi, tu viens, tu me racontes des âges, tu me dis, il faut que tu restes comme ci, comme ça. Vas-y, pars au Yémen. Le pays le plus violent au monde. j'ai des origines yéménites. Je vous en parle en connaissance de cause. On en est encore à la Jahiliya, au temps de Abu Lahab. Le chef, Cheikh al-Qabila. Mais vous êtes le... Mais des fois, c'est des détraquements d'eau. On ne fait pas exprès. Le pays où il y a le plus d'armes au monde, vous savez, c'est où? Dites-moi. Le Yémen. Il y a 30 millions de Yéménites et 60 millions d'armes. Ils ont dépassé les Américains. Les Américains, eux, il y a 300 millions pour 300 millions. Eux, il y a 30 millions d'habitants pour 60 millions d'armes à feu. C'est pas des couteaux. Armes à feu. Des armes à feu. C'est là-bas que vous voulez aller vivre? Salam alaikum, allez-y. Donc cette parole-là laisse entendre un takfir wadih à la manière de Sayyid Qutb et de Maghraoui qui disaient des paroles plus larges mais dans le même sens que Laysa ala wajh al-ard mujtama' muslim. Il n'y a pas de société musulmane. C'est-à-dire que c'est un takfir am, il a kafar tous les musulmans. Et lui, que le Yémen sont encore, d'accord, dans la jahiliya. La jahiliya, c'est l'époque de l'ignorance. De la mécréance. Taïeb. Maza qu'a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en Yémen? Il a dit quoi pour le sallallahu alayhi wa sallam pour le Yémen? Qu'a le achara le Nabi sallallahu alayhi wa sallam biyadihi nahwa le Yémen? La qu'a le l'Iman yéméni ha huna? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec sa main indiquée vers le Yémen, en direction du Yémen, il a dit la foi yéménite là-bas, en montrant le Yémen. En montrant le Yémen. Et le hadith de Moutarakun Ali, apporté par Bukhari Moussa. Également le hadith de Abu Huraira, قال النبي صلى الله عليه وسلم وشاهد من الحديث الإيمان يميني والحكمة يمينية, que la foi yéménite et que la sagesse est yéménite. Donc cela s'oppose totalement aux paroles de cet homme. Car nous on ne regarde pas ce que lui il dit, on regarde ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son livre. Est-ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam a dit également? Le reste ne nous intéresse pas. La philosophie, l'actualité, les infos, ça ne nous intéresse pas, tout ça, quand ça touche à la religion. On regarde les textes. C'est ça notre base. Pas mal? Donc là, on compare ces paroles à lui, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui loge les gens du Yémen. Et il a bien dit, le Yémen, c'est-à-dire ça englobe le pays. On ne dit pas que c'est du cas par cas, mais ça englobe le pays. Et lui, ses paroles à ce Mohammed là, cet individu, englobe le pays du Yémen. Donc, qui est-il à côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Qui est-il? Pour qu'on se permette de prendre ses paroles à lui et de laisser ses hadiths nabawi, sahiha, authentique. Quand même, ça c'est d'une part. Dans ses paroles, il dit également que le Yémen est le pays le plus violent du monde. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, كما جاء في حديث أبي هريرة قال جاءكم أهل اليمن أضعف قلوبا وأرق أفئدة ثم قال الحكمة يمنية والفقه يمني أو الفقه يمني والحكمة يمنية. Que les gens du Yémen sont venus, ils sont les gens les plus doux, les cœurs les plus doux, d'accord, que la sagesse est yéménite et que la compréhension est yéménite, ou le contraire, c'est l'un devant l'autre. Donc le pays le plus violent du monde. Et lui, il prétend connaître le Yémen parce qu'il a des origines yéménites. Il connaît, en disant la chose. Tes origines, ce n'est pas trop notre problème. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est combien de temps tu as vécu au Yémen. Tu t'es mélangé aux gens. Où, quand, en quelles circonstances. Rapporte des témoignages des faits pour déjà puis te dire. Mais tes origines yéménites, elles n'ont pas de valeur si tu n'as pas vécu là-bas. Combien de gens sont d'origine d'un pays ne connaissent même pas? Combien on a des gens en France d'origine d'un pays étranger ne connaissent même pas leur pays étranger? N'ont jamais mis les pieds. Alors que certaines personnes qui ne sont même pas de ce pays-là, en pays d'origine, ils vivent, ils le connaissent mieux que. Tu vas peut-être trouver un Français qui a vécu en Algérie, qui connaît mieux l'Algérie qu'un Algérien qui a vécu en France, qui ne connaît pas l'Algérie. Nous, du fond de l'île, on est au Yémen, depuis un bon moment. Et ce qu'il dit là, on n'a pas vu. Ce qu'il dit là, on n'est pas. Je ne suis pas d'origine yéménite, je suis martiniquais, d'accord. Et ce qu'il dit là du Yémen, je ne l'ai pas vu. Le pays le plus violent du monde. C'est-à-dire qu'on avait des conflits, mais il y avait une cause. Il y avait une cause. Ces conflits-là, tu n'en peux plus, tu les trouver. Cela n'implique pas que tu rends le pays plus violent. du monde. D'accord ? Cela n'a aucun rapport. Lui, il a fait un jugement général. Même Tani ? Voyez. Nasrallah, yahfazana, wa yumitana fi hadha al-balad al-mubarak. Et que cette violence présente soi-disant au Yémen, franchement, elle est incomparable par rapport à ce qu'on trouve dans certains pays, comme les pays d'Amérique du Sud, c'est connu, comme certains pays d'Afrique du Sud, c'est connu, comme certains pays d'Asie, et je parle des pays de mécréance, pays de Koufou, où le taux de criminalité n'est pas comparable au Yémen. Ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, j'ai même moi, pour jeter un œil, voir les sites sûrement auxquels ils se réfèrent, voir c'est quoi les pays les plus violents, je n'ai pas trouvé le Yémen en tête. Et même parfois, je ne l'ai même pas trouvé dans la liste. Des pays parmi les plus violents du monde. Et même si j'avais lu, je n'aurais pas cru. Mais même dans ces statistiques à lui, je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé. Rien. Sans compter des hadiths qu'on a cités auparavant, et notre propre témoignage à nous, qui sommes sur place. Il critique le Yémen comme disant, on se moque du Yémen, également, et les gens dans l'Assemblée rigolent, que c'est le pays le plus armé du monde. On dit c'est possible. Mais en quoi être armé est un blâme en islam? Est-ce qu'être armé en islam, c'est une critique? Donc Allah Ta'ala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Et préparez-leur ce que vous pouvez comme force. Et ce verset a été interprété par le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam lui-même en disant ala an al-quwwa ar-rami. N'est-ce pas que la force est, on va dire, à l'époque c'est des flèches, c'est le tir en fait. Aujourd'hui, il n'y a plus de flèches. C'est plutôt, comme tu sais, les armes à feu. Apprendre à tirer. Donc le blâme n'est pas d'être armé. Le blâme, c'est comment utilises-tu cette arme en islam. Quelqu'un qui utilise mal une arme, on lui enlève, c'est sûr. Et celui qui fait preuve de sagacité, qui est sage et qui réfléchit, il n'y a aucun problème. Le prophète sallam était armé. Il a eu des épées. On va le blâmer pour autant. D'ailleurs, lors de son arrivée à Médine, comme cela vu dans le hadith de Anas bin Malik, qala radhiyallahu anhu, lamma qadima Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-Madinata, nazala fi ulu al-Madina, fi hay yuqalu lahu Banu Amr ibn Auf. Qala fa'aqama fihim 14 laylatan, thumma arsala ila mala'i bani an-Najjar, qala faja'u muqallidi suyufihim. Wal hadith muttafaqun alayh. Que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en faisant sa hijra, dont on va parler par la suite également, il arriva à Médina et descendit dans les hauteurs de Médina, dans un quartier qui s'appelle Banu Amr ibn Auf. Et il y demeura 14 nuits. Ensuite, il convoqua les notables de Bani Najjar, qui est l'une des tribus des gens de Médina, même considérée comme étant la meilleure tribu là-bas. Et ils vinrent comment ? Armés de leurs épées. Muqallidi suyufihim. Armés de leurs épées. Il n'y avait pas de guerre. C'était l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un rassemblement. Ils viennent armés. Pourquoi ? Car porter les armes, il est toujours permis chez eux. Même des fois une fierté. Porter une arme en islam est une chose permise. Je ne dirais pas que c'est une sunna en soi. Il y a des moments où c'est obligatoire, comme lors du jihad. Et donc c'est mustahab, comme quand, au moment où tu appréhendes une éventuelle attaque de ton ennemi. Et de moments c'est permis, comme dans les tous les jours, et de moments c'est makruh ou interdit, comme ça va venir, comme dans les jours de l'Eid. Chaque chose à sa place. Al-Bukhari, dans ce sahih, il a fait un bab. Bab, ma yukrahu min haml al-silah fi l'Eid wa al-haram. Le fait, c'est détestable de porter une arme les jours de l'Eid, et dans le masjid al-haram. Dans le masjid al-haram. Quand même. Et il rapportait un affaire de Al-Hassan al-Basri qui dit Nuhu an yahmilu al-silah yom al-Eid illa an yakhafu adouan. Qu'il leur fut interdit, c'est-à-dire aux Sahaba, de porter les armes le jour du Eid, sauf s'ils avaient peur d'un ennemi. Et également, il fut rapporté justement le hadith d'Ibn Omar qui fut blessé. Et c'est à l'époque de Yusuf ibn Hajjaj qui était le gouverneur de l'époque. Il lui a dit, les particuliers, il lui a dit, que t'est-il arrivé ? Il dit, c'est toi qui m'as blessé. En parlant à Mohadjad, il dit, qu'est-ce que j'ai fait ? tu as permis de porter des armes le jour où cela était interdit, c'est-à-dire le jour de l'Aïd. L'une des armes, une des flèches, l'avait blessé, je crois. Donc, si les jours sont interdits, c'est que la base de jour, c'est que c'est autorisé. Sinon, il n'y aura pas lieu de préciser une interdiction à un moment précis. Donc, le pays le plus armé du monde, ce n'est pas une critique en soi. Ce n'est pas une critique en soi. Qui mérite de rabaissement, qui mérite de faire les gens, que pour 30 millions d'habitants, 60 millions d'armes. C'est-à-dire que chaque habitant, il a deux armes. Aïchfi, il a le problème. Il a le problème par rapport à ça. En islam, il n'y a pas de problème en islam par rapport à ça. Il n'y a pas de problème. C'est dans leur coutume depuis toujours. Ils sont des gens, comme cela va venir, ou comme cela est venu, qui ont la hikma et le fiqh. De façon générale. Je ne dis pas du cas par cas, de façon générale. Voyez. Il insulte également les chefs de tribu. Mashayr al-Qaba'il. En disant que ce sont des détraqués mentaux. Wa qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hadith ibn Mas'ud, muttafaqun alayhi, sibabu al-Muslim fusuqun. Que le fait d'insulter un musulman, c'est de la perversion. Des traqués mentaux. On pourrait dire c'est des soufara en arabe. Alors qu'on sait qu'au Yémen, la présence des tribus, c'est une chose qui est impérative. Et les chefs de tribus sont des gens qui ont fait des grandes causes justement pour pouvoir permettre de stabiliser le pays. Et on dit justement que si ce nombre d'armes qu'il prétend qu'il y a au Yémen est en France, 60 millions d'armes, d'accord, déjà j'aimerais savoir comment ces chiffres, comment il les connaît. Est-ce que tu as dans chaque maison? Tout est enregistré, tout est signalé. En France, ils sont combien à peu près? 66 millions d'habitants. Combien ils ont d'armes? Je ne sais pas combien ils ont d'armes. Allahu Akbar. Il dit qu'au Yémen, ils sont 30 millions, la moitié. Que si jamais les Français, en France, avaient le nombre d'armes équivalent au nombre d'habitants du Yémen, c'est-à-dire 30 millions, dans 5 ans, je ne sais pas combien ils ont trouvé de Français encore rendus en France. Si les Français actuellement en France avaient les armes que les limites ils ont, avec leur mentalité et leur éducation, on verrait ce qu'est le pays. Il y aurait le plus de meurtres alors qu'il est. Justement. Comme on dit, le problème, c'est pas l'arme en soi. Le problème, c'est qui c'est qui tient l'arme. Le fait d'avoir le plus grand nombre d'armes, il ne te rend pas plus violent pour autant. Si tu es une personne réfléchie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les armes en soi, comme on l'a dit en islam, c'est pas interdit. Par contre, si un gouverneur voit que de l'intérieur du pays, de la sécurité du pays, il interdit le port d'armes aux civils, il a le droit de le faire. D'accord ? Il a le droit de le faire. Et que là, si quelqu'un porte une arme au détriment de l'ordre du gouverneur, il aura commis une transgression envers le gouverneur à la base. Donc envers Allah. Mais directement, s'il n'y a pas d'interdiction du gouverneur, il peut porter une arme sur lui. Pas qu'il ne commet pas de mal avec. Ce n'est pas interdit dans l'islam. Au Yémen, c'est comme ça. Et ça leur est permis par les lois et par l'islam. Qui va les blâmer Qui va les blâmer? Personne ne va les blâmer. Donc, différencier entre l'intérêt du pays, ce que le gouverneur a décrété, d'accord, et le Coran et la Sunna, et que le fait qu'il interdise les armes n'est pas une transgression au Coran et la Sunna. Et si on regarde le taux de mortalité présent dans les pays d'Occident, je ne parle même pas du taux de mortalité causé par les drogues, par l'alcool, accidents, maladies, mais juste par les homicides volontaires, je pense qu'ils sont bien au-dessus du Yémen par rapport à leur population. Et par rapport au nombre d'armes, peu d'armes, se disant qu'ils ont, ils sont bien plus élevés que les Yéménites. Donc ces paroles de cet homme-là, c'est du pur mensonge. Et juste du spectacle. Et de l'IRGF, comme cela va venir. C'est un alarmiste. IRGF, c'est, comme cela va venir, c'est de dire des informations mensongères pour effrayer les gens. Comme ils sont spécialistes à la télévision, dans les journaux. Lui, il parle comme un journaliste, cet homme-là. Son travail là qu'il est en train de faire, c'est un travail de journaliste. Maintenant, si jamais il fait allusion au conflit actuel qui est au Yémen, ça n'a rien à voir. Si actuellement au Yémen, ça s'appelle un djihad contre les Rafida, qui sont une secte, vous voyez, obligée de mécréante en islam. Lui, je ne sais pas c'est quoi qu'on a dit sur eux. Allah Alam, qu'est-ce qu'il pense d'eux? Donc, Allah Ta'ala, wa laoula dafrullah annasa ba'duhum, ou ba'duhum, bi ba'd, la fasalatil ard, wa lakin Allah. Que ce n'était Allah qui avait repoussé des gens par d'autres, la terre aurait été corrompue. C'est-à-dire que Allah a légiféré des fois des combats, pourquoi? Pour empêcher quelqu'un de faire du mal. Et c'est une chose qui est présente chez tout le monde. Pourquoi il y a des policiers? Pourquoi il y a des militaires? Pourquoi il y a des gardes? Pourquoi il y a des vigiles? Pourquoi il y a ce genre de choses? Pour empêcher les criminels de faire du mal. Quitte à utiliser la force. Et bien le djihad, c'est la même chose à grande échelle. C'est ça que le Yémen. Les Rafidans font le désordre dans le pays, donc il faut, hein, il faut agir en conséquence. C'est normal. Et ces gens-là ne comprennent, comme l'a dit le cher Ibn Taymiyyah, que l'épée. Que l'épée. Donc, il y a la coalition des pays arabes qui sont unis pour faire face à ces gens-là. Ça s'appelle un djihad. Ça ne s'appelle pas de la violence, des homicides comme vous pourrez le faire croire. Si jamais il fait allusion à ça, c'est juste facile à répondre. Les conflits actuels au Yémen sont des conflits religieux et légiférés. Pour ceux qui se défendent, bien sûr, je parle. Combattre l'ennemi. Pas mal. Ce ne sont pas des conflits tribaux, ce n'est pas des règlements de compte, ce n'est pas une mafia contre une mafia. C'est Al-Iman did Al-Kufr. Al-Tawhid did Al-Shirk. Al-Sunna did Al-Bid'a. Pas mal. La foi contre la mécréance. Le Tawhid contre l'association. Et la Sunna contre l'innovation. Et ainsi de suite. C'est ça le combat actuel. Ici, comme tu as pu le voir, les plus grands magasins qu'il y a au Yémen sont peut-être aussi équipés en surveillance que certains épiciers qu'on a vus en France. Ça n'a rien à voir. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de voleurs au Yémen. Je dis que ça n'a rien à voir. Au Yémen, il y a encore des lieux où les gens laissent les clés sur le comptoir de la voiture quand ils sortent de la voiture. Ils ne verrouillent pas les portes de la voiture. Il arrive avec sa voiture, la clé sur le compteur, il sort de la voiture, la porte est ouverte, il va faire sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il revient. En France, la voiture, ça ne l'a plus. La voiture, elle est partie. Ici, tu as des endroits, encore, ils le font. Je ne sais pas, c'est dans tout le Yémen. Des lieux préservés, ils le font. En France, ça, tu ne trouveras personne, à part quelqu'un qui aura oublié. Volontairement, tu ne vas pas trouver ça. Tu ne vas pas trouver ça. Donc, comme je te le dis, on ne dit pas qu'il n'y a pas de délit au Yémen, qu'il n'y a pas de crime au Yémen. Il y en a, comme dans le monde entier. Mais est-ce qu'on peut oser dire sur eux ce qui n'est pas en eux, comme lui l'a fait? Ça, on n'a pas le droit de faire. Mais il joue, ça, c'est une kadib. Quand même, tu as même une kadib. Et lui, cet homme-là, à quoi il nous fait penser quand il parle comme ça, alors qu'il est en France, hein? C'est quoi l'Ita Ala? Yas'eluna kan inshallah haram kitalun fi. Qul kitalun fi kabirun. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. Qui t'interroge à propos de ces mois sacrés, le fait d'y combattre. Dit, le fait d'y combattre, c'est une chose grave, en effet. Mais faire entrave sur le sens d'Allah, la mécréance et expulser les gens du masjid, de la mosquée sacrée, soyez encore plus grand près d'Allah. Et la mécréance est plus grande que le meurtre. D'accord? Ça, c'est ce verset descendu à propos de quoi? De Moshe Bekin, qui était parti voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui avait envoyé une troupe et qui avait tué des Moshe Bekin dans des moments qui étaient interdits. Donc il dit, ils sont venus en disant, comment vous faites une chose pareille? Vous blasphémez ces mois sacrés en tuant. Alors que toi, soi-disant, tu es le prophète, tu es le messager d'Allah. Donc Allah descend ce verset pour dire, en effet, que le fait de tuer en ces mois-là, c'est une chose grave. Mais vous, c'est quoi votre haine? Vous êtes des mouchriquins. Vous êtes des mécréants. C'est-à-dire votre situation encore plus grande. C'est-à-dire qu'un mécréant qui ne tue même pas un mouton est pire qu'un tueur en série musulman, tant qu'il a l'Iman et qu'il a le Tawhid. C'est une chose à ne pas négliger, ça. Même que beaucoup de gens allant d'oublier. Comme cet homme-là. Vous voyez? Comme cet homme-là. Donc, il est en train de citer des erreurs que certains muslims pourraient être amenés à commettre en oubliant ce chez qui il est. Qu'est-ce qu'ils font? Ce n'est pas comparable. Si au Yémen, c'est encore la jahiliya, mais c'est quoi la France? Donc, on dit à cet homme, comme quand le Nabi Salem, « Idha lam tastahi fasna ma'ajit. » Si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que tu veux. Et pour parler comme il parle, c'est quelqu'un qui n'a pas de pudeur. Et ça, comme je te l'ai dit, pour en revenir, ça s'appelle de irjef. Irjef, en arabe. De l'alarmisme. Vouloir effrayer les gens. Moi, wa burjif, comme a dit Ta'ala, لَيْنْ لَمْ يَنْتَهِي الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْلِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَيُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا. Que si jamais les munafiqoun n'arrêtent pas, ainsi que ceux qui ont une maladie dans le cœur, ainsi que les alarmistes, murjifoun, sachez, des murjifoun alarmistes, dans le Médina, alors nous allons t'inciter contre eux et ne resteront près de toi que peu. Al-Qurtubi, il dit quoi à propos d'eux et murjifoun? Il dit, il a cité plusieurs explications, murjifoun. Et parmi elles, il a dit quoi? وهم قوم من المسلمين ينطقون بالأخبار كاذبة حبا للفتنة. Ce sont des gens parmi les musulmans qui aiment propager des informations mensongères pour propager la fitna, faire des troubles. Un mourjik, c'est ça. En français, on appelle ça un alarmiste, qui t'effraie pour rien. Comme on voit chez les mécréants. Leur spécialité. Sûrement pas. Mais ils veulent vous faire quoi? Vous faire peur. Vous faire croire qu'en Yémen, c'est la guerre civile. C'est en tout le Yémen. Et c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Justement. Taïe. Après, il y a un autre calem. Je vais vous choquer. Est-ce que vous savez que le pays dans le monde où on regarde le plus de films pornographiques, c'est l'Arabie Saoudite? Est-ce que vous savez... Enfin, à un moment donné, il faut que vous arrêtiez, sincèrement. Ou sinon, vous allez tomber de haut. Déjà, il faut savoir une chose. Parmi les sifat attribués des mounafiqines, qu'est-ce qu'ils font? Ils critiquent les gens de l'islam sans cesse pour glorifier les gens de la mécréance. Pourquoi? En vue d'obtenir un statut en ce bas monde. Comme encore l'État Allah. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. طيب. Que ceux qui prennent les mécréants comme alliés en dehors des croyants, الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين, et qui recherchent par cela auprès des mécréants la puissance, la force. Savoir que la force, la puissance ne sont que pour Allah entièrement, que pour Allah entièrement, pas chez ces gens-là. Donc on dit déjà, on aimerait savoir comment il a fait cela. Quelles sont ses sources? Est-ce qu'il a fait un sondage dans la rue? Est-ce qu'il a fait un recensement? Est-ce qu'il est parti chez chaque Saoudien ou je ne sais pas voir? Parce que c'est des chiffres vraiment, je ne sais pas comment on peut savoir ça. Le pays qui regarde le plus de films pornographiques. Comment tu peux savoir ça? Donc on demande, quels sont les genres de pays qui sont les plus grands producteurs de films pornographiques? L'Arabie Saoudite, Tahaddek, ils disent que c'est eux. Le Yémen, Tahaddek, on te dit que c'est eux. Ils te définissent eux. Donc, taïeb, admettons, on dit que ce soit vrai. Admettons que ce soit vrai, que l'Arabie Saoudite soit le pays où il y a le plus de films pornographiques. Cela laisse apparaître clairement son ignorance des fondements de la religion, de critiquer un pays pour ce genre de choses. D'accord? Car bien qu'on reconnaisse que regarder un film pornographique, c'est une adafisque arvim, c'est une grande perversion, un acte blâmable, même parmi les grands péchés, une kabaïr. Mais cela ne fait pas pour autant sortir de l'islam. Ce n'est pas du shirk, ce n'est pas du kouf. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, que Allah ne pardonne pas pour le souci quoi que ce soit, mais il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hadith Abi Dharr qala atani atin min rabbi fa akhbarani aw absharani annahu man mata min ummati wa yaqulu la ilaha illallah dakhala al-jannah qala qultu وَنْزَنَا وَنْسَرَقْ قَلَا وَنْزَنَا وَنْسَرَقْ. Que Abu Dharr a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que m'est venu un messager de mon Seigneur et qui m'a informé qu'il n'y ait pas une personne de ma communauté, c'est-à-dire musulmane, qui meurt en disant La ilaha illallah avec les conditions, sans qu'il ne soit pas les gens du paradis. Il dit, même s'il fornique et qu'il vole, il dit même s'il fornique et qu'il vole. Même s'il fornique et qu'il vole. On ne dit même pas regarder le film pornographique, mais agir même en soi. Donc, quand bien même la Saoudite serait un pays comme il le décrit, cela ne fait pas pour autant que ce soit l'islam. Comparé aux gens chez qui il vit. Comme on dit, la Saoudite, Beled Tawhid. Quoi que les gens disent, c'est un pays de Tawhid, c'est le pays aujourd'hui, le meilleur pays pour ce qui est de l'application de l'islam. Sans aucune comparaison. Ils ne sont pas parfaits. La perfection est parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne sont pas infaillibles, ils commettent des erreurs. Mais alors qu'il est par rapport aux pays musulmans, ils sont vraiment le pic au-dessus de tous. Donc lui, il critique l'Arabie Saoudite, mais il est où là, actuellement là? Il est imam dans une mosquée à Ivry, région parisienne, en France. Un exemple. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme a fait hadith Anas, قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. Qui l'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'aucun d'entre vous ne croira réellement tant que je ne serai pas aimé auprès de lui plus que son père, son fils et que tous les gens réunis. Donc, parmi la force de la foi, d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tout. Wa qala fi hadith كذلك Anas, qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, thalathun من وجدهن وجد حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. كيف فصل الله لدي 3 choses de celui qui les a connus a goûté la saveur de la foi. Hada wa shahid. Que Allah et son messager soient plus aimants de lui que quiconque. Qu'il n'aime personne qui ne l'aime que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il détesterait retourner dans le kufr, tout comme il détesterait être jeté au feu. Un shahid, que Allah et son messager soient plus aimés auprès de lui que quiconque. On demande à cet individu, le Charlie Hebdo, leur bureau se trouve où? À Riyad ou à Paris? À Riyad ou à Paris? Ces gens qui ont insulté l'homme qui est censé aimer le plus au monde. Et ce journal qui était défendu par les gens du pays dans lequel il se trouve, qui ont insulté l'homme qui est censé aimer le plus au monde, où se trouvent-ils ces bureaux? Est-ce qu'il a blâmé le Charlie Hebdo comme il blâme l'Arabie Saoudite, par exemple le Yémen? J'aimerais le savoir. Avec des termes aussi crus et aussi moqueurs, j'aimerais le savoir. J'aimerais le savoir. Sans vouloir aller plus loin. Taïe. Également parmi les jeux qu'on a reçus. Qui m'a pris la tête pendant 2 heures de marche. Il me dit, François Hollande a permis qu'il y ait, le mariage homosexuel. Je dis, mon gars, si François Hollande avait permis cela, mais en face, il avait renversé la courbe du chômage, donné du pouvoir d'achat aux gens, si demain il se représentait, j'appellerais à le voter. Ah, subhanallah ! Je dis, mon gars, je te le dis, parce qu'on raisonne en termes de maqas. Ça y est, regarde le Tanakhoud, la contradiction. Il va critiquer l'Arabie Saoudite, soi-disant, parce qu'ils sont le pays qui regarde le plus de films pornographiques au monde, soi-disant, alors ça reste des musulmans, et il est prêt à donner le pouvoir et à porter allégeance à un mécréant qui est prêt à autoriser l'homosexualité qui est pire que la fornication, car à la base, un homme qui fornique avec une femme, c'est grave, mais c'est plus compréhensible qu'un homme qui fornique avec un homme. L'homosexuel en islam, on l'exécute sur le champ. Alors que le fornicateur, ça dépend. S'il n'a pas connu le mariage de parents, il s'est flagellé. L'homosexuel, c'est la peine de mort, exécuté sur le champ. C'est bien pire. Les deux sont graves, mais celui-là est pire encore que l'autre. Donc il est prêt à donner le pouvoir à un mécréant qui autorise, qui légalise cet acte que même des chrétiens jusqu'à ce jour n'acceptent pas, contraire, on va dire, aux valeurs humaines. Et que même lui, s'il avait un fils, n'accepterait pas que son fils le fasse, du moins je le souhaite. Donc on dit, explique-nous, c'est quoi qui est... Tu critiques les Saoudis pour regarder des films pornographiques? Regardez, hein. Et t'es prêt à voter pour un président mécréant? Déjà voté, on connaît le jugement des élections, c'est du shirk. C'est un jugement autre que celui d'Allah, celui des hommes. Ça, c'est une chose qui n'est pas autre de la religion. Mais lui, je pense pas qu'il voit ça. Ça va pas être toujours à celui d'Adillah. T'es prêt à mettre au pouvoir un homme qui autorise cela. Et tu t'en vantes. En quelles conditions? À condition qu'il accorde de la dunya aux gens. Des biens de ce bas monde aux gens. Voilà ce qu'il veut d'un gouverneur. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fi hadith Abi Huraira, قال ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم لهم عذاب أليم. قال منهم رجل كان له فضل ماء الطريق فمنعه من سبيل، ورجل بايع إمامه ولا يبايعه إلا للدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه سخط. وثالث شيء آخر. Il a dit quoi? Selon Abu Huraira, que 3 genres de personnes, Allah ne le regardera pas, ne leur parlera pas, et ne le purifiera pas. Le premier, un homme qui avait de l'eau sur le lieu de passage qu'il a interdit aux voyageurs. Le deuxième, un homme qui porte allégeance à un gouverneur et qui ne porte allégeance que pour la dunya, ce bas monde. S'il lui donne, il agrée, il est content. S'il ne donne pas, il s'énerve. Regarde la menace qui plane sur lui. Il est prêt à. Là, le Nabi Salam parle, imam. Et le Nabi Salam, il y a un ibizalika imam un musulman. Un gouverneur musulman. Lui, il est prêt à mettre au pouvoir un mécréant pour baisser le taux de chômage. Et pour avoir plus de pouvoir d'achat. C'est-à-dire avoir de l'argent pour l'acheter des choses. Et après, il critique le Yémen. Et après, il critique l'Arabie Saoudite. La ilaha illallah, nasallahu alayhi wa sallam. Donc voilà la contradiction flagrante. Tanakud, Tayyib. Ensuite, parmi ses paroles, également, il parle sur la hijra. Il dit, dérangeant dans cette façon de présenter les choses, c'est de dire qu'il faut faire hijra. Hijra, il n'y a pas de hijra, c'est faux. Maintenant, tu as des aspirations personnelles qui font que tu te sens mieux à Bruxelles qu'à Paris, ou à Genève, qu'à je ne sais où, c'est toi. Quel est mutlak ? Dans l'absolu, il n'y a pas d'hijra. Il n'y a pas d'hijra, il te dit. À part si jamais tu as des aspirations personnelles. C'est-à-dire, la hijra, c'est personnel. Pas de cas à toi. Et je regarde bien des exemples, il dit Bruxelles. Il ne dit pas, des villes de pays d'islam. C'est étrange, hein. Il dit encore des capitales de pays de mécréance. Quand tu veux faire la hijra à Genève, c'est l'hijra pour toi. Tu n'as pas compris la hijra. Donc il dit quoi ? Il n'y a pas d'hijra. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tanqati'u al-hijra, hatta tanqati'a al-tawba. Voilà tanqati'a. Al-tawbatu. Que la hijra ne cessera pas tant que le repentir soit acceptable. Et le repentir soit acceptable tant que le soleil ne se lève pas dans son couchant. Parmi les signes de la fin des temps. La hijra ne cesse pas, il te dit bien, elle ne cesse pas, lui, il n'y a pas d'hijra. Les hadiths sur la hijra, on en a donné tellement. Des audios, il y en a eu, il faut là tellement. Des articles, il y en a eu tellement qu'on ne va même pas encore les ramener ici. Si quelqu'un veut les voir, le site il est disponible, il peut aller le voir. Les Sahaba, comme Sahih et Romi, qui étaient prêts à tuer ceux qui s'opposaient à lui pour sortir de Mecca, pour aller à la Médina, pour rejoindre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme il disait, j'ai 40 flèches dans mon carquois. Je ne partirai, vous ne m'attendrez pas, sauf que j'ai passé une flèche dans chacun d'entre vous. Et après je passe à l'épée. Pour vous montrer quel homme je suis. Pourquoi ? Pour partir. Pas pour rentrer. Tu pourrais croire, il veut rentrer en tant que conquérant dans un pays. Non, il veut sortir. Hein? Mecca. Mecca, il a dit, c'est Al-Ka'aba. Bayt. Al-Bayt, Baytullah. Quand il est à Allah, Inna awal bayt il vous dit à l'innaf, l'allazi bi Mecca. Mubarakan wahudan il alamin. Que la première maison posée pour les gens, celle qui est à Mecca. C'est-à-dire Al-Ka'aba. Celle qui est une guidée et une bénédiction pour l'univers. Souhaim sortir de ce lieu-là. Vous allez à la Kaaba. Pour aller à Médina, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une couette imani. Et tant de gens te disent non, il n'y a pas d'hijra. Il se peut qu'il se parle là le hadith de Anas, en tant qu'on a allé, la hijra ba'd al-fath, walakin niyatun wa jihad. Plus de hijra après la conquête de Mecca. Mais cependant, la niya reste requise pour les actes. Et le jihad reste effectif. Les ulama, ils ont expliqué ce hadith, qu'est-ce qu'il veut dire par là. Deux explications. La première, la hijra ba'd al-fath, et plus de hijra plus complète que celle que Mohammed sallam a fait de Mecca à Médina avec ses compagnons. Ça, c'est l'une des paroles. Et la plus forte, c'est la deuxième. C'est-à-dire plus de hijra de Mecca à Médina, car Mecca, après avoir été conquise, est redevenue une terre d'islam. En dehors de cela, l'hijra, le hadith qu'on a cité auparavant, explique qu'elle ne cessera pas. Voilà comment on lit entre les deux hadiths. Elle ne cessera pas. Donc comment toi tu viens, tu dis qu'il n'y a pas d'hijra comme ça? Ça, c'est un takzib. Tu démens le prophète sallallahu alayhi wa sallam en cela. Et le takzib, ça peut t'amener à la mécréance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit une chose, il dit non, il n'y a pas cette chose-là. Wal'a'adhu billah. Qala ta'ala, comme il le dit lui-même, Alladhina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullah wasi'atan fatuhajiru fiha ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Ceux dont les anges arrachant les armes, alors qu'ils étaient injustes envers eux-mêmes, leur diront, on était où, c'est-à-dire dans votre religion. Ils diront, nous étions impuissants sur terre. Ils leur diront, la terre d'Allah n'était pas assez vaste avant que vous puissiez émigrer. Cela, leur destination est quoi? Et l'enfer est quelle mauvaise destination. Le verset, on n'a même pas en discuté. Sans compter les ahadiths. Et il prend une partie de ce verset, il dit quoi? Alam takun ardullah wa si'atan fatuhajiru fiha. La terre d'Allah n'était pas assez vaste avant que vous puissiez émigrer. Il dit quoi, lui? Mais attention, il y a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Qurtubi aborde d'ailleurs dans son tafsir par rapport à ce hadith, par rapport à ce verset. Alam takun ardullahi wa si'atun fuhajiru fiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, al-mu'minu, le croyant, man khalata an-nasa. Écoutez bien. Man khalata an-nasa. Et celui qui fréquente les gens, qui se mélange aux gens, wa sabara ala adahum, et qui endurent leur tort. Et là, on fait quoi? tu fuis. La fuite, c'est la position du lâche. Et Ouksim Billah, si tu t'assieds, je partirai là-dedans, je n'ai pas trouvé ce qu'il rapporte, le Qurtubi. Pas une ligne de ce qu'il dit. Le Qurtubi rapporte un hadith rapporté par Ibn Omar à la base, radiallahu anhu. Quand il a fait le hadith, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lui, comme il le dit, El mu'min man kharat al-nas wa sabara ala azaahum. Il a dit comme ça, El mu'min man kharat al-nas wa sabara ala azaahum. Le mu'min, le croyant, c'est-à-dire par excellence, le mu'min, min. Khisal al-Iman, parmi les casseurs de la foi, c'est celui qui se mélange aux gens et qui passe sur leur tort. Le hadith, écoute le hadith comment il est en vrai. Selon Ibn Omar. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Tirmidhi, Ibn Majah, Ibn Ahmed, Ibn Bukhari dans l'Adab al-Mufrad, le hadith sahih. Qal, al-mu'min alladhi yukhalitu al-nasa wa yasbira al-adhahum afdal min al-mu'min alladhi la yukhalitu al-nasa ولا يصبر على أذاهم. وفي رواية أخرى المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ويصبر على أذاهم. Voilà la différence comment il rapporte le hadith, comment lui حرف المعنى, il a changé le sens. Le hadith c'est quoi en vrai? C'est le croyant qui se mélange aux gens et patiente sur leur tort est meilleur que celui patiente pas. Et lui, donc, comment il le dit? El mu'min man. C'est-à-dire, le croyant, c'est celui. C'est-à-dire, en fait, ce hadith-là rentre dans les caractéristiques de la foi. Regarde la différence. Lui, quand, la version du hadith, comme il la rapporte, en fait, ça rentre dans quoi? Comme il le décrit? Comme étant parmi les caractéristiques, les branches de la foi. Il se parle, el mu'min man. Sabara, ou kharat al-nas, kada, kada, kada. Dans le hadith, non. C'est une comparaison entre qui est meilleur des deux. Et non pas une caractéristique de la foi. Femtani. Lui, le hadith est étonnant dans ce sens-là, que parmi la foi, les actes de la foi, de se mélanger aux gens et de ne pas s'en sur leur mal. On dit non. Ça n'a pas été ça le but de prendre dans le hadith. Qui est le meilleur parmi les deux croyants? C'est tout. Mais cela n'est pas une caractéristique de la foi, que de se mélanger aux gens pour ne pas s'en sur leur mal. Mais il y a des hadiths qui disent que des fois, il vaut mieux s'isoler. D'autres hadiths sont venus, vaut mieux s'isoler. Avec les moutons avec dans les montagnes, il y a fir ou bidinihi, il fuit avec sa religion, c'est l'un des gens, quand il y a trop de fitan. Donc regarde un petit peu le riche encore, l'escroquerie. Un Qurtubi dans le tafsir, le hadith il n'a pas cité. Même je vais te dire qu'est-ce qu'il a dit Qurtubi par rapport au verset. Fekolillahi azawajel, alam takun ardullah wa siatin fatuhajiru fiha. Directement dit quoi Qurtubi? يفيد هذا السؤال والجواب أنهم ماتوا مسلمين ظالمين أنفسهم في تركهم الهجرة. ثم وصف الكلام. Que ce verset démontre que la question, c'est-à-dire des anges, et leur réponse, c'est-à-dire des gens, démontre qu'ils sont morts muslimoun sur l'islam, mais injustes envers eux-mêmes, car ils ont délaissé la hijra. Et quand tu vois tout le tafsir du verset entièrement, le Qurtubi, il a plus clairement que la hijra obligatoire. Donc, encore une troupe de cet homme-là. Toujours est-il, comme il cite ce verset, ou plutôt ce hadith, il laisse croire que la hijra, c'est l'irtizel. Les gens, quand ils écoutent, s'imaginent que la hijra, celui qui fait la hijra, ne se mélange pas aux gens. On dit, la hijra, c'est pas ça. C'est quoi la définition de la hijra? Tark, beled, ou l'intikal, une beled, elle est kufr, le shirk, et les beled, l'islam, au sunnah. C'est le fait de délaisser, de se déplacer les pays du kufr, dans les pays d'islam. C'est ça l'hijra. C'est pas s'isoler. Tu t'isoles des mécréants, non. Tu t'isoles du chiikh, non. Pour aller quoi? Te mélanger à tes frères, gens de l'islam. Donc un muhajir, il est dans la vie avec les musulmans, il n'est pas isolé. Donc je ne sais pas quelle conception de l'hijra il a dans sa tête. Est-ce qu'il a voulu encore tromper les gens? Mais ça n'a rien à voir. Tout à fait hors contexte, ce qu'il dit. Donc l'hijra, c'est un désaveu du cœur des koufars, en premier lieu, puis par les actes, tu t'en vas. C'est connu, quand t'aimes pas les gens, tu ne restes pas avec eux. Les koufars, les gens chez qui il est, les Français disent quoi? T'es pas content, tu t'en vas. C'est connu ou c'est pas connu? Ça y est, on l'a fait, on n'est pas content, on est parti. Pour ne pas avoir subir les gens comme ces gens-là, avec eux, pas entendre des égarements comme les tiens. Ça y est. Autre point par rapport à ce hadith. Qale, man yukhalit al-nas, qui se mélange aux gens. Hadha lafz am, al-nas, ayluna istighlaqiyya, c'est-à-dire les gens. Jins al-nas, les gens. Quand même, on est taillé. Ce verset, ce hadith, il est général. Les gens. d'autres adjilés sont venus pour faire un tarsis, pour préciser c'est quoi les gens avec qui tu patientes. Quand Allah Ta'ala, wasbir nafsaka ma'allazina yaduna rabbahum bil'adadi wal'ashi yuriduna wajha. Et patiente avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, qui veulent son visage. Patiente avec ceux qui invoquent leur Seigneur. Qui sont-ils, ceux qui invoquent leur Seigneur? Les Français ou c'est les Yéménites? Français ou c'est les Saoudiens? Quand je dis Français, je parle du peuple français d'origine. Je ne parle pas des musulmans qui sont en France. Je parle du Français d'origine, la base. C'est François Hollande ou c'est Malik Salman? C'est lequel des deux? C'est Adorabbo, comme ils le disent, ou c'est François Hollande? C'est lequel des deux? Donc, les nas, c'est bien dire aux gens, mais les trompe pas. Les nas, nam, mais quel nas? Quel gens? Justement, il dit qu'il a fait du fiqh Shafi'i. Même Shafi'i est le premier à avoir écrit dans Usul al-Fiqh son kitab Risala. Cette règle, elle est partie de Usul al-Fiqh. Que lorsque tu as un terme général, am, et que tu as un terme khas, tu codes dame dessus. Le terme spécifique t'explique le terme général. Également, parmi ceux qui expliquent les gens avec qui on patiente, le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, qui a dit Rajul al-Ladhi qatala 99 personnes. Cet homme qui a tué 100 personnes. Qu'est-ce qu'il a fait après qu'il ait tué 100 personnes, plutôt 99 personnes? Sa'ala an alim, doula ala rajulin, rahib, un prêtre. Fasa'alu anu qatala 99 personnes. Faqala hala min tawba, qala hala. Faqatalahu kammala bi al-biya. Qu'il a demandé à un homme savant pour savoir comment faire maintenant qu'il a tué 99 personnes. On l'a montré vers un moine, un prêtre. Il a dit, j'ai tué 99 personnes. Est-ce que j'ai une tawba? Un repenti, il a fait non. Il l'a tué lui aussi. Ça fait qu'il est arrivé à combien? 100. Ensuite, il a demandé à une autre personne s'il voulait se repentir, cet homme-là. Il voulait se repentir. Il a continué à demander à un homme savant. Doula ala rajulun alim. Faqala lahu anu qatala falahu min tawba. Qala naam wa maza yahulu baynahu wa bayna tawbati. In tariq ila ardi kada fa inna biha unasan ya'budun Allah. Unasan salihin fa'budu Allah ma'ahum. Il a dit quoi? Oui, tu peux te repentir. Et quelque chose viendrait donc entre toi et ta tawba. Mais seulement, sors de ta terre, car elle est mauvaise terre, et va à la terre, telle contrée. Car il y trouve des hommes pieux et adore Allah avec eux. Voilà les nafs avec qui tu mélanges. Tes frères en islam. Tes frères en islam. Encore une expression du hadith, c'est pas le nafs, am, c'est pas tout le monde. C'est pas tu vas là où il y a des criminels, tu passes sur leur mal. C'est pas là où il y a des prostituées, tu passes sur leur mal. C'est pas là où il y a des dealers, tu passes sur leur mal. C'est pas ça. Il n'est pas ça, moi j'ai une bonne fitna comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. L'heureux celui qui évite les fitnas. Les fitnas, les troubles. Ma akbar fitna kama zakarna anifan, c'est quoi la plus grande fitna comme on l'expliquait tout à l'heure dans le verset? Wal fitnatu akbaru min al-qatl. Et la mécréance est pire que le meurtre. Donc, c'est quoi la plus grande fitna à éviter? C'est la mécréance et le kouf. Comment tu fais? Tu restes pas avec eux. Quelle chose nous a aidé à appliquer cet acte? La hijra. Que cet homme dit qu'il n'existe pas et qu'il faut patienter sur le mal des gens. El azal mubasha. Le mal qu'on te fait directement. Comme par exemple quelqu'un qui te frappe, qui t'insulte, qui t'agresse, qui te vole, qui te laisse dans tes droits. Ça, c'est directement de toi à lui. D'accord? Celui-là, il est grave. Akbar min dhalik, el aver el mubashir. Une nuisance, un tort indirect. Comment? Par l'influence. Il te sourit. Là, il te donne de l'argent. Il est agréable avec toi. Mais il t'influence dans sa croyance, dans sa voix. Le mécréant. C'est quoi le pire des deux? Le premier, au contraire, il te fait du mal, tu vas te fuir de lui. Il m'a fait mal, il m'a blessé, j'ai peur de lui, je reste pas à côté de lui. Mais le deuxième, il t'attire vers lui. Pourquoi? Pour te prendre avec lui. Donc ces gens-là, comment tu fais pour éviter leur mal? Tu t'éloignes d'eux. Donc ne me dis pas, t'as vu à la Zahoum. Le hadith, Mayunasi Badel Marna. Le hadith, ne s'occupe pas là-dessus. Tu ne passes pas sur quelqu'un qui va peut-être te faire apostasier, te faire dévier dans ta religion. Non, sûrement pas. Combien de hadiths on a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam incite à avoir des bonnes fréquentations et éviter les gens du mal? Combien on en a? On ne peut même pas avoir les cités. Lakin adam in rich amar rajoul. Ami soumis kokri. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam man rashana fait les samina. Donc cet homme-là, même qui a tué 100 personnes, il lui dit quoi? Il lui dit de quitter cette terre, sa terre c'est une terre mauvaise. Donc en restant là où il est, va tuer des gens parce qu'il va être influencé par les gens autour de lui. On part. Ma wa amr lil awamir al-a'zam fil Qur'an. Parmi les plus grands ordres dans le Coran. Wa'budu Allah wa la tushriku bi shay'a. Adorez Allah et ne lui associez rien. Également parmi les ordres qu'on a. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. et ne mourrez pas en tant que musulman, en pleine soumission. Voilà, tamoutunna. On va dire plutôt, c'est un ordre sous forme d'interdiction. Avec nous, le tawkid, voilà, tamoutunna. Allah nous a interdit de mourir sinon qu'en étant musulman. Cet islam, est-ce qu'il est garanti jusqu'à la mort? Il n'est pas garanti jusqu'à la mort. Et on a des causes qui nous permettent de préserver cet islam, notre religion. Et parmi elles, justement, éviter les gens du shirk pour ne pas qu'ils influent sur nous. Et parmi justement les choses qui nous évitent d'être influencés par eux, les séparer d'eux. Donc la hijra, que cet homme dit qu'il n'y a pas de hijra. Et qu'il voit qu'il faut se mélanger aux gens. Tout le contraire de ce qu'il faut faire en islam. Tout le contraire. C'est-à-dire que là, il t'ouvre la porte à t'exposer à l'apostasie ou à la déviance, en restant au milieu de tes ennemis, des égarés. Comme lui, à la base lui-même, de toute façon. Lui-même a été atteint par ce mal, à l'écoute de son discours. Et les gens comme ça, souvent, l'istiqama, ils n'ont pas la force de l'avoir. Ils n'ont pas été mouafakoun pour être sur la droiture, la compréhension, le fiqh. Comme a parlé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est là, il veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Et lui, il n'a pas compris la religion. Pour preuve, les paroles qui tiennent actuellement, qui contredisent les fondements de la religion. Se séparer des gens du mal. Lui, il t'a dit non, passons sur leur mal. Mais le mal, il n'a pas compris, ça veut dire quoi le mal? Car lui-même, ce mal, il en a atteint dans son cœur. Et ça ressemble à quoi? Au fait des munafiqin. Waddu, lo takfuruna kama kafaru, fatakununa sawa. Ils aimeraient que vous m'écroyez comme ils ont mécru, afin que vous soyez égaux. Comme cet homme-là, il est fachil. Il a échoué dans son istiqama et dans sa sunna. Et bien, il n'aime pas voir votre réussir. Donc, tu fais quoi? Il les prend avec lui. Comme Shaitan. Même comme Shaitan. Comme il a échoué, il a dit quoi? Qu'il va prendre les serviteurs d'Allah pour les égarer avec lui. C'est la même voie qu'ils emploient. Après, pour finir, parmi ces paroles, qu'ils considèrent que faire la hijra, c'est de la lâcheté. D'accord, le Ta'ala, Kaburat, Kalimatan, Tachoujum, Afwaihim, In Yakuluna, Illa Kaziba. On dirait, parole immense, un mensonge énorme qui sort de leur bouche. Que faire la hijra, c'est de la lâcheté. Ça veut dire que, en se basant sur les preuves, sur la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons, même des prophètes, ils étaient des lâches. Le muhajir, pour lui, c'est un lâche. Celui qui quitte la France pour aller au Yémen, c'est la lâcheté. Tayyib. Sans même regarder la didacte qu'on a dit précédemment par rapport à la hijra, qui est obligatoire. Tu as dit que le Yémen, c'est le pays le plus violent du monde. C'est le pays où il y a le plus d'armes au monde. Celui qui va là-bas, c'est un lâche pour toi. Celui qui va dans le pays le plus violent au monde, c'est un lâche pour toi. La lâcheté, le lâche, c'est celui qui a un confort. Une dunya, une situation qui ne veut pas perdre au détriment de sa religion, qui a peur d'être éprouvé par la faim, comme a été le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a peur d'être éprouvé par la pauvreté, comme l'a été le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, qui a peur d'être éprouvé par la peur, comme l'a été le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, qui a peur d'être éprouvé par les épreuves, différentes épreuves, qui s'imagine, c'est lui le lâche, car cette chose-là, il t'a garanti que tu vas vivre. Il pense qu'en France, il se peut que tu as mangé tous les jours, c'est ton confort tous les jours. Mais tu auras une garantie que ta religion, tous les jours tu vas l'avoir, tu vas mourir dessus. Donc on voit que cet homme-là a beaucoup de paroles vides, adillek, de sa tête seulement, de sa rancœur, seulement de ses passions. Un masqué d'adillek, le peu classé dans les yeux que j'ai eu, c'est hors contexte. Considéré comme étant un savant comme moyen, c'est un jouaïhil, cet homme-là. Un jouaïhil. Et si jamais il connaît, il sera rentré dans le prisme de quoi? Du djihad murakkab. C'est-à-dire qu'il aura une science, des connaissances qu'il aura, mises hors contexte. Ce qui va faire tomber dans quoi? Dans le jahl murakkab. On va dire dans la nuance préfabriquée. Jahl murakkab, c'est qui? Celui qui ne sait pas, et qui ne sait pas qu'il ne sait pas. Celui qui ne sait pas, et il ne sait pas qu'il ne sait pas. Il croit qu'il connaît, alors qu'il ne connaît pas. Donc il parle, et en faisant ça, qu'est-ce qu'il fait? Il égare les gens. Il égare les gens. Que lui, il vit au milieu des gens, de Allah, il dit quoi d'eux? Qu'ils ne cesseront de vous combattre. Jusqu'à ce qu'ils vont sortir de votre religion s'ils le peuvent. Sans relâche. Matin, midi et soir. Plein de stratagèmes pour te faire pencher vers la mécréance. Et au pire, si tu ne deviens pas mécréant, on va te rendre égaré. ou très faible. Très faible dans ta religion. Tu ne crains pas ça pour toi. Et parmi justement leur stratagème à ces koufars, là c'est des gens, justement, dans le sécoupe d'Arawa, comme ce Mohamed de Djibril. Des gens comme lui, pourquoi tu penses qu'ils sont autant mis en avant? Parce qu'ils ont un discours justement pour ramener des gens en arrière. Ce qui plaît aux koufars. Ils disent, comme on dit, c'est détruire l'islam au nom de l'islam, au fond de l'islam. C'est-à-dire, comme ils ont vu que par l'extérieur, ils n'y arrivent pas, par le darwa du christianisme, du judaïsme, de l'athéisme, du bouddhisme, ce genre de choses, ils disent quoi? Eh bien, par leur propre voie, on va les avoir. On va prendre des égarés chez eux pour les détourner. Et au fur et à mesure, ils vont aller en arrière. Donc, ils placent déjà comme ce Mohamed, des égarés comme ça, qui débarquent des pays d'islam. Regarde bien, hein, ces gens-là, toujours de l'extérieur, ils viennent. Tu regardes bien, hein. Ils combattent les hijra, eux-mêmes, ils viennent des pays d'islam pour aller chez les mécréants. Chez eux, ils n'arrivent pas à Batamakalufi, Beladihim. Ils viennent chez une d'Allah. Est-ce que c'est leurs ennemis à eux? On ne dirait pas comment ils se comportent. On dirait que leurs ennemis, ce sont les salafis. Et ils placent des gens comme Dali Boubaker, en plus haut placé, ou Tariq Oubrou, comme ça, pour taper l'islam dans l'islam. Quand tu vois un prédicateur ou un imam qui a un poids en France, qui est accepté, qui est écouté, qui est cautionné par les Français, sache qu'ils sont derrière. Sache qu'ils sont derrière. Et que leur but, c'est quoi? Tu vois, c'est. Je pense que c'est leur but au koufa. C'est leur but. Donc cet homme-là, là, ne crois pas qu'il a été mis là de façon innocente. C'est pas pour rien qu'il est là. Les Français savent très bien qui est imam de quelle mosquée. Si tu es là en train de parler, tu fais le prétentieux comme tu le fais l'arrogant, et qu'il ne t'arrive rien, c'est qu'ils ont intérêt avec toi derrière. Sache-le. Que les chrétiens et les juifs ne sont pas satisfaits de toi, tant que tu ne suivras pas leur religion. Cela ne veut pas dire que tu deviens mécréant pour autant, mais tu les sers. Tu es, comme ils disent dans leur mythe, tu es leur cheval de Troie, dans lequel peut rentrer à l'intérieur. Tu le traites, tu ouvres la porte de l'intérieur pour que l'ennemi entre dans la forteresse. Voilà, c'est le travail que tu fais. Nasallah al-Afiyah. Donc, ça, c'est une nasiha. Pour ceux qui l'écoutent, premièrement, qui se rendent compte de l'écart de cet homme-là. Le salafisme, pour lui, c'est clair. Le hadith de cet homme-là, il est clair. Il n'y a pas d'un doute, son égarement. Et il a décidé de ne faire d'hypocrisie. Wallahu alam mumetakumun. Alors qu'en plus, ça, on ne se cache au fond de lui. J'ai pas écouté tous les audios, j'ai écouté que ceux-là. Et j'imagine même pas le reste. Le conseil de ce Mohammed, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala au fond de lui, de faire toba de ses paroles d'égarement, de revenir à ce qu'il dit, et de savoir c'est quoi le Yémen en réalité. Car ces paroles-là, là, qu'il prononce, le meilleur que Yémen, tu racontes. Prenons ça dans la rafia. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah, c'était plus long que ce que je voulais faire, mais bon. يصلح الأمة وأن يجنب الفتن ما ظهر منهم وما بطن قل سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك